بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في باب دعوة أهل السنة لا تدعو إلى التقليد que cette دعوة n'appelle pas au suivi aveugle. قال ودعوة أهل السنة لا تدعو إلى التقليد الذي هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة بل يدعون الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون cette دعوة des gens de la sunna n'appelle pas au suivi aveugle et à l'imitation et ce taqlid ce suivi aveugle a été défini comme étant le fait de suivre celui qui n'est pas une preuve sans preuve et tu suis autre que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم tu n'as pas de preuve dans le suivi de cette personne là parce qu'il fait. Mais ils appellent les gens à suivre le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam comme dans le sens où Allah a dit et suivez donc ce qui vous est descendu de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés et ce n'est que plus que vous vous rappelez. Al-A'raf verset 3. Wa qala Ibn Kathir inda hadhihi al-aya ay iktafu athar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-ummi الذي جاءكم بكتاب انزل اليكم من رب كل شيء ومليكه ولا تتبعوا من دونه اولياء اي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول لغيره فتكونوا قد عدلتم من حكم الله لحكم غيره ابن كثير dit par rapport à ce verset c'est-à-dire qu'il faut suivre les traces du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم le messager ou plutôt le prophète qui était illettré celui qui est venu avec le livre qui vous a été descendu de la part du Seigneur de toutes choses et du roi de toutes choses dans le sens où Allah dit ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés c'est-à-dire ne sortez pas de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller vers d'autres que lui c'est-à-dire ne prenez pas autre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté pour autre chose sans quoi vous auriez fait devancer le jugement d'une personne à celui d'Allah azza wa jalla vous aurez fait devancer le jugement d'une autre personne à celui d'Allah Azza wa Jal. Wa ahli sunnati la yad'una an-nas ila an yattabi'uhum aw yuqalliduhum bal yaquluna lin-nas nahnu wa iyyakum nattabi'u kitab Allah wa sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam kama qala ta'ala subhanahu wa inna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Les gens de la sunna n'appellent pas les gens à ce qu'ils les suivent eux et qu'ils les imitent en toutes choses, aveuglément. Mais ils disent, nous ainsi que vous, nous devons suivre le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le sens où Allah dit, et serve aussi mon sentier dans toute sa rectitude, alors suivez-le, ne suivez pas les sentiers car vous serez amenés à vous diviser et à vous séparer de ma voix. C'est cela qui vous exhorte, c'est cela à quoi Allah vous exhorte, afin que vous puissiez craindre. Al-An'am, les bestiaux, verset 153. Et quand Allah wa fi hadith Anas, fi nuzul al-malak, ala sahib al-kabr, inna yas'aluna, ou yas'alani, an man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk, fa al-munafiq, yakul, la adri, kuntu akul ma yakulu al-nas. Et également dans ce hadith, le fameux hadith, qui cite la descente des deux anges vers le mort dans sa tombe pour l'interroger, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète, le croyant lui répondra bitofiq Allah Azza wa Jal avec la bonne réponse. Quant au munafiq, lui dira je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose, alors j'ai dit comme eux. Et là c'est le shahid du hadith, que le muqallid ne réussira pas, il ne fait faire que ce que les gens disent, ou ce que les gens font, sans savoir, sans avoir de preuves. Et d'ailleurs, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmallahu ta'ala, dans sa fameuse risala qui est Usul al-Salasa, dont ces fameuses usul, ces trois fondements sont pris de ces questions-là dans la tombe, il dit parmi les masail au début, que la première mas'ala, c'est le ilm. Et le ilm dit, wa ma'rifatu Allah, wa ma'rifat nabiyyihi, wa ma'rifat din l'islam bil adillah. Que la science, c'est savoir, c'est connaître Allah Azza wa Jal, connaître son prophète et contre la religion avec les preuves. Il l'a bien précisé avec les preuves. Donc le suivi aveugle n'est pas pris en considération. Soumaqal, yustafadu min hadha al-hadith su'aqibat al-taqlid. Donc dans ce hadith, on en tient comme enseignement la mauvaise conséquence les mauvaises représailles du taqlid. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين قلدوا اباءهم واجدادهم فقال سبحانه وتعالى ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك من في قريه من نبي وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين dans le sens où Allah dit pour ceux qui suivent leur père et leur grand-père et leurs ancêtres aveuglément, il dit dans le sens Allah, est-ce que nous leur avons donné un livre auquel ils sont accrochés, mais plutôt ils disent nous avons trouvé nos pères sur une religion et sur une voie sur laquelle nous tenons actuellement. Et c'est de la sorte que nous n'avons pas envoyé avant toi dans une contrée d'avertisseurs sans que ces gens ne disent « Nous avons certes trouvé nos pères sur une religion et nous les suivons. » Et il dit, c'est-à-dire l'avertisseur, « Et si je vous venais avec une chose de meilleure guidée que ce que vous avez trouvé, ce sur quoi vous avez trouvé vos pères, que la voie de vos pères ?» Ils diront « Nous mécroyons en ce pourquoi vous avez été envoyés. » Alors nous nous vengèrent d'eux, constate que fut la fin de ceux qui nous ont démentis. وقال سبحانه وتعالى واذ قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا علي اباءنا ولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Et s'il aurait dit, le dernier verset au fait c'était Az-Zukhruf, l'ornement, verset 25, de verset 21 à 25. Et s'il leur est dit, suivez donc ce que Allah a fait descendre, ils diront, nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos pères. Et si leur père n'avait pas compris, n'avait rien compris, et n'avait pas été guidé. Également dans le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est rendu auprès de son oncle, Abu Talib, pour l'appeler à faire la shahada, et qu'il trouve auprès de lui, Abu Jahl ou Abdullah ibn Abi Umayya. Et lui dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah. Et son oncle, et de là, Abu Jahl et Abdullah ibn Umayya lui disent, vas-tu donc te détourner de la religion de Abdul Muttalib? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait de cesse de lui répéter cela. Et eux s'opposaient et exposaient leur avis afin que Abu Talib ne suive pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, Abu Talib a refusé de dire la ilallah où il est mort sur le shirk et le kouf, et cela par à cause du taqlid qu'il a fait de ses ancêtres et par kibr, orgueil, du fait de refuser la vérité, mais qu'il la connaissait, et également par les mauvaises fréquentations des gens qui étaient autour de lui. ثم قال فهذا تقليد الأعمى مضرة ولقد كان الأئمة رحمهم الله ينهون عن التقليد وينهون الناس عن تقليدهم. Ce taqlid porte beaucoup préjudice à la umma suivie aveugle, et que les imams parmi les salafs رحمهم الله interdisaient justement ce taqlid comme les gens le font actuellement, ou comme le faisaient à leur époque également, et ils interdisaient les gens de les suivre aveuglément eux-mêmes. L'imam Malik رحمه الله تعالى كان يقول انما انا بشر اختي واصيب فانظروا في رايي فكل ما وافق الكتاب والسنه فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنه فاتركوه. Il disait quoi l'imam Malik? Je ne suis qu'un être humain qui peut avoir raison, qui peut avoir tort. Donc regardez bien mon avis, et si jamais il correspond au livre et à la sunna, alors prenez-le. Et si jamais il s'y oppose, il ne coordonne pas, alors délaissez-le. Et il disait, rahimahullah ta'ala, laysa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il disait qu'il n'y a personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que sa parole ne soit à prendre ou à rejeter. C'est-à-dire que personne n'est infaillible. Personne n'est infaillible. Et il disait également, après rapportant de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qui disait, ma min ahadin illa wa tadhhabu alayhi يقول فمهما قلت من قول او اصلت من اصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلته فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قولي. Il dit l'imam Shafi'i, quoi que j'ai dit comme parole ou que j'ai appliqué comme fondement par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si jamais cela s'y oppose, alors mon fondement et mon avis est ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mon fondement et mon avis sont la voie, ce qui coordonne avec la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لكل أحد. Qui disait que les musulmans sont unanimes que celui qui a trouvé la sunna, qui a compris la sunna, qui a eu la preuve, qui ne lui est pas permis de la délaisser pour la parole de quiconque. كذلك il cita par rapport à l'imam Ahmed رحمه الله تعالى imam al-sunnati wa jama'a fi zamanihi يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا شافعي ولا الاوزاعي ولا الثوري خذ من حيث اخذوا الى الذين ne suis pas aveuglément et ne suis pas malik ni shafi'i ni al-awza'i ni al-thawri mais prends de là où ils ont pris. Il dit que l'avis de l'awza'i, de celui de malik, de celui d'abou hanifa sont tous des avis, et pour moi tout cela était au même stade et de même niveau. La seule chose qui compte c'est la preuve prise de la sunna. Wa Abu Hanifa rahimahu ta'ala kana yaqulu idha sah al-hadith wa madhhabi, que si le hadith est authentique alors c'est mon madhhab, c'est la voie que je suis. Wa qala wa idha qultu qawlan yukhalif kitab Allah ta'ala wa khabar ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fatruku qawli. Il dit que si jamais je dis une parole qui s'oppose au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors délaissez ma parole. Et le Shamu Akbil il rapporte, il disait souvent lui-même personne ne me suit, c'est une personne qui est amenée à tomber. Il n'admettait pas que l'on suive aveuglément. Fa da'wat al-sunnah tuhadhir min matamadhhab wal-tahazzub. Cette da'wa met en garde contre le fait de s'accrocher à madhhab fanatiquement et de tomber dans l'esprit de tahazzub, de hizbiya, l'esprit de parti. Al-sunnati la yata'assabuna li madhhab min madhahib li'annahum ya'taqiduna anna hadhihi madhahib bid'a lam tahduth ila ba'd al-qurun al-mufaddalah. Car les gens de la sunna ne se fanatisent pas pour un madhhab. Et ils ont pour croyance que ce madhhab, se fanatiser un madhhab, cela est une innovation qui ne s'est produit qu'après les siècles de vertu, c'est-à-dire que le tamadhub, le fait de s'affilier à un imam, de s'apparenter à un imam, Ahmed ou Shafi'i ou Abu Hanifa ou Malik, cela n'a pas eu lieu à l'époque des Sahaba, ni à l'époque des Tabi'in, ni à l'époque des Atba'a Tabi'in. Cela n'est arrivé pas à la suite. C'est-à-dire les meilleurs des gens ne l'ont pas fait. Les meilleurs des gens ne l'ont pas fait. Donc comment peut-on dire que cela est une chose qui fait partie de la religion de la Sunna? Et ces mêmes imams n'ont jamais appelé quiconque à prendre leur nom s'apparenter à eux. Jamais. C'est une chose nouvelle. Bila shak wala raib. Yaqulullahu ta'ala وَمَا اَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْنِ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et ce en quoi vous divergez, alors le jugement revient à Allah. Shura, consultation verset 10. C'est-à-dire, on ne revient pas au mazhab, mais on revient à Allah Azza wa Jal. وَقَالَ تَعَالَى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْنِ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si jamais vous disputez en quoi que ce soit, alors envoyez-le à Allah et au messager, c'est-à-dire à Allah, au Coran et au messager, c'est-à-dire à la Sunna. Si jamais vous croyez en Allah et au jour dernier, c'est-à-dire parmi les conditions de l'iman, c'est qu'on revienne au kitab la sunna. On ne revient pas à ce que l'a dit l'imam Malik, à part si la parole de l'imam Malik est basée sur un dalil. On ne revient pas, on ne juge pas avec ce qu'a dit l'imam Ahmed, à part si la parole de l'imam Ahmed est basée sur un dalil. Et là, en faisant cela, on n'aura pas suivi Ahmed ni Malik. On aura suivi qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand même, donc, l'ordre d'Allah azza wa jal. Et que ces mazahib, qu'Allah farraqat bayn al-muslimin wa shattatat shamlahum. Et que ces mazahib ont divisé la umma. D'accord? Ils ont divisé. وقال عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dans le sens où Allah dit, ne soyez pas du nombre des mushrikin, ceux qui ont divisé leur religion, et chaque parti, ils sont mis en partie, et chaque parti se réjouissait de ce qu'il possédait. فقال فأهل السنة لا يربطون الناس بمذهب معين إنما يربطون الناس بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Que les gens de la sunna n'accrochent pas les gens à un madhhab en particulier, mais ils les accrochent au livre d'Allah عز وجل et la sunna du messager صلى الله عليه وسلم. Naam. Donc là on va s'arrêter là pour cette partie là et il parle un petit peu encore par la suite du tahazzub et on va en parler بإذن الله تعالى. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.